Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy, 94.2, ça c'est pour les Lorrains, ou alors vous êtes sur votre ordinateur, fagette.net, écoutez la radio. Yves est à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter une émission spéciale, un hommage consacré aux compagnons de la chanson. Espagne chante la mélodie qui berça mon cœur. Chante l'esprit de ma tendre enfance. Chante tous les beaux jours à jamais enfuis. Et comme les bergers parfois, loin des ruisseaux, loin des sources vagabondes, loin des fraîches chansons des eaux, loin des cascades qui grondent, je songe, et c'est là ma chanson, au temps béni des premières saisons. Mes jeunes années, Fred Mella et les petits chanteurs de Saint-Marc. C'est le dernier enregistrement que j'ai pu trouver de Fred Mella. Il y a quand même encore quelques années. Allez, une introduction en partie empruntée à Bernard Saint-Felder, qui s'est si bien exprimé sur le site des Amis des Compagnons de la Chanson. Dimanche 17 novembre, très tôt, alors qu'un soleil timide colorait la brume sous une lune rieuse, un ange m'a confié qu'au paradis, ils étaient maintenant 9. Pantalon noir, chemise et aile blanche. Avec insistance, Saint-Pierre réclamait « les trois cloches, les trois cloches !» Mais le grand succès fut lorsque Fred Mella a lancé la ronde mexicaine. Alors là, tous les anges, même les séraphins, les archanges, Michel, Gabriel, Raphaël, c'est vous dire, ils ont tous chanté et ils ont dansé. Et puis, Dame Edith était là, petite robe noire et croix autour du cou, souriante comme on ne l'avait jamais vue depuis bien longtemps. Bon, allez, les voilà, presque au complet. Ah, presque au complet, oui. Il ne manque plus que Gaston. Bon, il a le temps, on n'est pas pressé, hein, Gaston. Mais maintenant qu'ils ont récupéré leur soliste, ils envisagent une grande tournée, Interparadis. Une chanson des Compagnons de la Musique. Périne était servante. Périne était la servante, Périne était la servante, chez monsieur le curé, digue non d'abondaine, chez monsieur le curé, digue non d'abondaine. Son âme en va la voir, son âme en va la voir, un soir après dîner, digue non d'abondaine. Pense aux demander, dis que l'on a bondé. Les compagnons de la chanson sont issus d'un petit groupe vocal français né au début de l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale. C'était en 1941. Et d'abord connus sous le nom des compagnons de la musique, ils deviennent en 1946 les compagnons de la chanson. Et la formation prend sa véritable assise avec une organisation basée sur trois ténors, trois barytons et trois basses. 3x3, 9. Après des débuts sur scène où elles interprètent les vieilles mélodies empruntées au folklore, c'est en 1944 qu'ils connaissent leur premier succès et qu'ils rencontrent Édith Piaf à l'occasion d'un gala à Paris. En 1946, ils enregistrent avec elle la chanson « Des trois cloches » qui deviendra un succès international et les révélera au grand public « Les trois cloches ». Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré, voici quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné, Jean-François se nomme, il ai-je plus tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, de ma rabattée. Une cloche sonne, sonne, sa voix découvre un écho. Et ton monde qui s'étend. Soignico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre, à peine une flamme qui s'élève, qui proclame protection, tendresse, amour. Village au fond de la vallée, loin des chemins, loin des humains, voici qu'après 19 années, cœur en émoi, le chant François prend pour femme la douce Élise, blanche comme fleur de pommier. Devant Dieu, dans la vieille église, ce jour il se sent marié. Les cloches sonnent, sonnent, la voix d'écho en écho. Merveilleusement couronne la noce à François-Nico. Un seul cœur, une seule âme, il prête et pour toujours. Soyez une pure flamme qui s'élève et qui proclame la grandeur de votre amour. Village au fond de la vallée, voici quand la nuit étoilée, un cœur s'endort, François est mort. Car toute chair est comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs. Et puis pour les murs, bouquets et gerbes, hélas, passe l'air séchant. Une cloche sonne. D'écho en écho, dit au monde qui s'étonne, la mort de François Nico. Ne tremblez pas, cœur fidèle, Dieu vous fera signe un jour. Vous trouverez sous son aile, avec la vie éternelle, l'éternité. Chanson de 1948, composée par Henri Betti, avec des paroles de Jacques Plante, reprises de très nombreuses fois, notamment par Toama, Georges Guettari, Jacqueline François, Jean Patard, Yvette Giraud, Ginette Garcin, Andrex, Roger Lanzac, Les Trois Ménestrels, Marcel Amont, Jacques Martin, Sophie Darel et Jean-Jacques Debout. Vous en voulez encore? Allez, Maître Pierre. Partout, ça sent bon le grain. J'avais 12 ans et j'étais haut comme trois pommes. En me voyant, je disais d'un bon bonhomme. Voyez-moi ce sacré petit drôle. Le métier lui semble à son goût. Prends ce sac, mets-le sur l'épaule. Maître Pierre, il fait bon chez vous. Hardi, hardi petit gars, venez sur l'œil, sourire aux lèvres. Hardi, quand il a de bras, un vrai meunier ne s'arrête pas. Non, il fait bon chez vous, maître Pierre, je me souviens de mes 18 ans. enfant. Et quand plus tard je l'épousais devenue grande, tout le village est venu danser dans la grange. Et tout le monde ses grandes ailes, le moulin continue toujours, le tic-tac de son cœur fidèle. Maître Pierre, qu'il fait bon chez vous, hardi, hardi petit gars. Hardi, quand il a de bras, un vrai meunier ne s'arrête pas. Non, il fait bon chez vous, maître Pierre. À 30 ans, j'aimais mon métier. J'adorais ma jolie meunière. C'est alors que vous nous quittiez. Et quand du ciel vous regardez par la campagne, tous ces moulins tournant du nord à la Bretagne, vous pensez avec un sourire qu'on est là pour en mettre un coup et qu'on a bien raison de dire maître Pierre, qu'il fait bon chez nous. Hardi, hardi petit gars, venez sur l'œil, sourire aux lèvres. Hardi, quand il a deux bras, un vrai meunier, ne s'arrête pas. Encouragés et soutenus par Édith Piaf, les compagnons de la chanson adoptent un répertoire plus jeune et partent avec elle en tournée aux États-Unis, mais avant qu'ils ne partent, la Marie. Le gars Pierre est parti à la guerre. Un beau jour de printemps, il avait une allure si fière qu'il partit comme un homme en chantant. T'en fais pas, la Marie, t'es jolie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. Nous aurons du bonheur plein la vie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. La Marie a pleuré bien souvent en songeant au beau jour de la guerre et surtout quand revient le printemps. T'en fais pas, la Marie, t'es jolie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. Le gars Pierre est rentré de la guerre, jeune et joyeux comme avant, sans chagrin ni blessure légère, c'est un gars vigoureux maintenant. T'en fais pas, la Marie, t'es jolie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. Nous aurons du bonheur plein la vie. T'en fais pas, la Marie, je qui était si jolie a perdu sa beauté de 20 ans. Quand on pleure, on vieillit, c'est la vie. Ses beaux yeux sont tout gris à présent. T'en fais pas, la Marie, t'es jolie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. Le gars Pierre est parti à la ville, mais il ne reviendra jamais plus. Il y a tant de filles, de belles filles, la Marie pour lui n'existe plus. T'en fais pas, la Marie, t'es jolie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. Nous aurons du bonheur plein la vie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. La Marie qui était si jolie n'a pas pu oublier son amant. C'est pour ça qu'elle a perdu la vie. Elle s'est noyée dans le vieil étang. T'en fais fais pas, la Marie, t'es jolie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. Nous aurons du bonheur plein la vie. T'en fais pas, la Marie, c'est fini. Alors là, maintenant, nos compagnons de la chanson vont partir aux États-Unis. Et c'est bien parce que Édith Piaf était là. Elle insista auprès de ses impresarios. Mais les impresarios traînaient un peu la patte. C'est pas pareil d'emmener un artiste que d'en envoyer 10. Hein. Enfin, elle a tellement insisté, Édith, que finalement, ils sont partis tous ensemble aux États-Unis. Et là, qui est-ce qui a eu du succès ? Les compagnons de la chanson. Et Édith en a eu un peu moins. Ce qui fait que, quelque part, il y a eu du froid entre eux. Et à leur retour en France, les compagnons obtiennent un succès phénoménal qui va leur permettre de parcourir le monde avec des mélodies grand public, surtout issues d'airs en provenance d'Amérique du Sud. Si tu vas à Rio... Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut, dans un petit village caché sous les fleurs sauvages sur le versant de coteau. C'est à Madureira. On va faire l'appel. Alors, la composition du groupe, si Paul Buissonneau, Marc Héran et Jean-Albert ne sont restés que quelques années, la formation qui reste la plus connue comportait, alors je vous le donne dans le désordre, Joe Frachon, vous savez, c'est le plus grand, une tête de plus que les autres. Il nous a quittés en 1992. Guy Bourguignon, c'est celui qui est parti le premier, ça. Il est décédé en 1969. Jean Broussol, il est parti, lui, en 1984. Jean-Louis Jaubert, ben c'était le copain d'Edith Piaf, bien sûr. Il est décédé en 2013. Hubert Lancelot, lui, est décédé en 1995. Fred Mella, c'est le frère... c'est le frère, effectivement, de René Mella. Donc, il y avait les deux frères. Et Fred vient de nous quitter maintenant. Et René est décédé il y a quelques mois. Fred, il avait 95 ans. Et René, il en avait 93. Jean-Pierre Calvé est décédé en 1989. Gérard Sabat décédé en 2013. Alors, là, je souris un peu parce que je pense aux grands médias qui ont annoncé et qui ont repris l'information. Il n'y a plus de compagnons de la chambre. Ben, si, il en reste encore deux. Un plus un, ça fait bien deux. Marc Quéran, qui a été compagnon de la chanson pendant un certain temps, est toujours de ce monde. Et puis, il y en a un qui est toujours là, et bien là. C'est Michel Cassé. Vous connaissez Gaston. Gaston, c'est le dernier arrivant dans les compagnons de la chanson. Vous savez, le moustachu, musicien, il n'était autre que le chef d'orchestre de Claude François. Il est toujours vivant. Les Gitans. D'où viens-tu, Gitan ? Je viens de Bohème. D'où viens-tu, Gitan ? Je viens d'Italie. Et toi, beau Gitan ? Et toi, vieux gitan, d'où viens-tu? Je viens d'un pays qui n'existe plus. Les chants rassemblés le long de la barrière, le flanc gris de poussière, le naseau écumant. Les gitans sont assis près de la flamme claire. La nuit, il monte un refrain bizarre, et dans la nuit, bat le cœur des guitares. C'est le chant des errants qui n'ont pas de frontières, c'est l'ardente prière de la nuit des gitans. Où vas-tu, gitan? Je vais en Bohème. Où vas-tu, gitan? Revoir l'Italie. Et toi, beau gitan? En Andalousie. Et toi, vieux gitan, mon ami? Je suis bien trop vieux, moi je reste ici. Gitan, ton pays de cocagne, chante gitan, ton château. En plus du chant, chacun des membres avait un rôle particulier à remplir pour le bon fonctionnement du groupe, ce qui a permis à la formation de garder une belle harmonie. Allez donc savoir pourquoi. Une chanson. Promène sur les joies, les peines, allez savoir. parce qu'un jour, deux ou trois mots d'amour ont fleuri sous le toit d'un enfant du faubourg qui n'avait rien dans ses dix doigts, qu'une guitare en bois, au cœur un grand bonheur et quelques rimes autour. Une chanson, c'est peu de choses. Parce qu'un jour, un titi de Paris la sifflait à midi en retrouvant Mimi, et que Mimi est repartie la chanter à son tour en traversant la cour à son tour, et voilà. Une chanson, c'est peu de choses. Parce qu'un soir, quand s'installa l'amour au cœur d'un troubadour, il perdit le sommeil, et doucement, tout doucement, quand revint le soleil, c'est un refrain de plus qui avait vu le jour. Une chanson, c'est peu de choses. L'homogénéité de cette formation vocale ne saurait faire oublier le fait qu'elle était composée de personnalités brillantes. Fred Mella, qui vient de nous quitter, le soliste. Marc Errant, arrangeur musical de talent, et des chansons des Compagnons, mais aussi d'autres artistes, dont Charles Trenet. Mais Marc Errant, lui, il est parti avec Yvette Giraud. Eh oui. Jean-Pierre Calvé, parolier. Jean Broussol, également arrangeur de qualité de la plupart des chansons du répertoire des Compagnons et compositeur de leurs nombreux succès. Jean-Louis Jaubert, lui, il faisait fonction de véritable directeur de groupe. Et par la même occasion, il avait des fonctions à la Fédération française de football. Ça, vous ne le saviez pas. Et puis, bien entendu, Michel Cassé, autrement dit Gaston, musicien et fantaisiste à Le Diable dans la Maison. La ronde mexicaine. Quand je bois à l'eau fraîche de tes lèvres, quand je bois à l'eau claire de tes yeux, j'ai si peur de te perdre, de te perdre, de te perdre. Mon amour, que je pense à ces malheureux. À tous ces que sans âme, sans visage et sans âge, qui n'ont plus une larme pour pleurer. Au soleil qui les brûle, qui les brûle, qui les brûle. Amour, quand il chante désespéré. Quand je t'ai dans mes bras, le soleil du Mexique est un enfant de cœur à côté de celui qui incendie mon cœur, ce soleil fantastique. Moi j'ai cette eau fraîche de tes lèvres. Mais moi j'ai cette eau claire de tes yeux. Quand est-on que sans elle, que sans elle, mon amour, que sans elle et sans toi je serais comme eux. Comme c'est que sans âme, sans visage et sans âge. soleil qui les brûle, qui les brûle, qui les brûle. Mon amour, quand il chante désespéré. Mais qu'importe après tout le soleil du Mexique, est un enfant le cœur à côté de celui qui incendie mon cœur, ce soleil fantastique, et brillera toujours si je t'aime. Les compagnons, des artistes musicaux qui n'engendraient pas la mélancolie. On leur doit des sketchs très visuels. Le cirque, les tourlourous, les jumelles de marine. Jour de fête en Louisiane, les Écossais. Le baron Gontran, les perruques, les tyroliens, l'homme orchestre. Vive la fête au village. Ben, c'est un peu sous l'impulsion de Gaston, tout ça. Voilà, le temps des étudiants. Accompagnait Luther et sa clarinette. Mais non, le présent n'a rien changé. Et si tes volets se sont fermés, rose rouge, fleur la nuit, c'est que le temps a passé sur nos folies. Comme au temps de nos 20 ans à Saint-Germain-des-Prés. Et maintenant, la reprise par les compagnons de la chanson, d'une chanson, c'est le cas de le dire, de Jean-Pierre Ferland. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout, je reviens chez nous. Il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. On traverse à gué la Garonne, le ciel est tout bleu à Paris. Mamie, l'hiver est à l'envers, ne t'en retourne pas dehors. Le monde est en chamaille, on gèle au sud, on sue au nord. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. La Seine a repris ses vins berges, malgré les lourdes giboulées. Si j'ai du frimas sur les lèvres, c'est que je veille à ses côtés. Mamie, j'ai le cœur à l'envers, vive le cerfeuil. Je ne veux pas être tout seul quand l'hiver tournera de l'œil. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, qu'il en fait partout. Je rapporte avec mes bagages un goût qui m'était étranger, moitié dompté, moitié sauvage, c'est l'amour de mon potager. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. La la la la la la la la, je reviens chez nous. En 1954, pour le compte de Radio Luxembourg, ben, ils effectuent sous chapiteau une longue tournée de plus de 6 mois. Et puis, ils suivront le Tour de France en 1959 avec un concert chaque soir à chaque étape. On n'oubliera pas les nombreuses émissions de radio et de télé, comme le Palmarès des chansons, Télé Dimanche, Tête de bois et Tendres années, La chorale. Bonjour monsieur l'abbé, il y avait Léon qui était basse et la cigarette, il y avait aussi le petit Riton qui était bariton. Jean-Loup était ténor léger, j'étais n'importe quoi. Et mademoiselle de Graffouillon, elle était soprano. C'est normal, j'ai appris la vocale au temps où je chantais à la chorale. Et c'est vrai que pour les amateurs, on y mettait du cœur dans notre cœur. La digue du boum, en revenant de Nantes. La digue du boum, en revenant de Nantes. aigu. La digue du... C'est normal, j'ai appris la vocale au temps où je chantais à la chorale. On avait un répertoire classique, on posait de cantates et de cantiques. Léon chantait fausselle, on rigolait tous, on chahutait pendant son solo. In exercice Théo, dans Bach, malgré quelques légers couacs, on s'en tirait bien. Et mademoiselle le Crafouillon chantait toujours plus haut. C'est normal, j'ai appris la vocale au temps où je chantais à la chorale. S'il avait, il perdait son latin. Aujourd'hui, grâce à lui, on chante bien. Ah. Au total, ce seront plus de 350 titres enregistrés, 50 inédits, des centaines de concerts par an, 4 années en commun avec Édith Piaf, dont un film, 9 garçons, un chœur, et puis une opérette. Allez, Bleu, les jours heureux. Bleu, les jours heureux de l'enfance, les souvenirs du passé. Souviens-toi, tout avait le goût des vacances. Tout nous enivrait, tout nous enchantait. Bleu, les jours heureux de l'enfance, tous les tout premiers mots d'amour. Chaque fois nos cœurs étaient pleins d'impatience. Ils croyaient des tournées internationales, Canada, Japon, Israël, États-Unis, Liban, Syrie, Brésil, Russie, Afrique, Angleterre, Belgique, Italie, Suisse, Allemagne et bien d'autres. Chante-la ta chanson avec Elfie. Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-la car elle est belle ta vie. Tous les ruisseaux font des fûts au soleil. Toutes les fleurs des romances aux abeilles. Même la pluie joue une symphonie. Dis-moi pourquoi tu serais triste aujourd'hui. Chante, chante, chante-la ta chanson. La chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson. L'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson. N'aie pas peur, vas-y. Chacun sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson. Elle est sûrement jolie. Chante-la qu'elle est belle, ta vie. N'entends-tu pas le concert de la joie? Tout ce qui vit laisse entendre sa voix. Même le ciel gris fait chanter ses orages. Il y a un soleil derrière chaque nuage. Chante, chante, chante-la ta chanson. La chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson. L'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson. N'aie pas peur, vas-y. Chacun sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson. L'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y. Chacun sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-la qu'elle est. C'est en décembre 1980 que les Compagnons de la Chanson annoncent leur tournée d'adieu et celle-ci durera près de 5 ans. En 1983, ils recevaient un triomphe pendant 5 semaines à l'Olympia et leur dernier concert fut donné le 14 février 1985 au pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne. D'où c'est doux. C'est doux, c'est doux, quand le soleil fait les yeux doux, c'est doux, c'est doux. La boulangère me dit bonjour chez vous, c'est doux. Le facteur m'apporte des sous, c'est doux. Doux, doux, doux, doux. Oh, dur, c'est dur, quand la soupe est froide et les fruits pas mûrs, c'est dur. De se lever tous les matins, c'est dur, c'est très dur. Sans argent, sans copain et rien pour le futur, très dur. Se baigner dans une rivière, c'est doux. Patauger jusqu'au cou dans la gadoue, c'est doux. Tant mieux, c'est dur. Tant pis, c'est doux, c'est dur, c'est la vie. Dur, c'est dur, c'est dur. Voici au volant de sa voiture. dur, c'est dur. Faut mieux aller se promener dans la nature. Plein un orage et d'eau, plein les chaussures. Baboudou, babadou, doudou, day. Douce et douce, prendre un petit verre de vin. Douce et douce, faut dire que souvent quand c'est doux, c'est mou. Regardez les oiseaux et oubliez d'être jaloux. C'est doux, manger du pain sans confiture, bam, c'est très très dur. C'est bon pour le tour de ceinture, c'est sûr, c'est doux. Tant mieux, c'est encore dur. Tant pis, c'est doux, c'est dur, c'est la vie. Mais doux, c'est doux. Rappelle-toi nos rendez-vous si doux. De bonnes cinémas sans un sou, tu peux voir si c'est doux. Sur les photos, Fred Astaire chanter et danser comme un fou. Souvenir fou, envie toujours de vous. C'est doux, tant mieux c'est peut-être très dur. Tant pis, c'est doux, c'est dur, c'est la vie. Barboudou da dou dou dou day. La vie. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de Patchwork, la cerise sur le canto, consacrée aux compagnons de la chanson. Et je tiens à remercier tout particulièrement le site des Amis des Compagnons de la Chanson, qui m'a fourni de nombreuses informations dont je me suis fait l'écho aujourd'hui. Merci à Aimé et eux, et merci à Yves pour la réalisation technique, et à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Le podcast est à retrouver sur le site de Radio Fagette Nancy. Dimanche prochain, nous vous espérons nombreux et fidèles à notre écoute, à 10h bien entendu, pour la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux et branchés à l'écoute de Radio Fagette Nancy 94.2, ça c'est pour les Lorrains, et radiofagette.net pour les autres Européens. Pour suivre, vous retrouverez Thierry et son émission Discothèque Classique. Il nous reste encore un peu de temps, Aimé ? Oui ? Allez, une autre ? Quelques mesures, bras dessus, bras dessous. Au revoir. Bras dessus, bras dessous, joue contre joue, gai comme le moineau sur la même branche, gai comme deux amants au bas du dimanche, gai comme deux écoliers. Ça commence, et quand nous aimons, notre amour sent bon, comme un drap séché au vent des lavandes, bon comme un fruit croqué.